Chapitre 7e. Denis, trop amoureux pour être raisonnable, et aussi trop raisonnable pour compromettre son amour, ne fit d'abord que quelques visites assez courtes. Il s'acquittait fort exactement des commissions dont on le chargeait, et y déployait toute l'activité de son génie. Vers le même temps, des réparations qu'on faisait à la maison forcèrent ses voisines à choisir un autre logement. Le hasard, cette providence des gens intelligents, voulut que Denis se trouvât encore une fois leur voisin. Leur intimité s'en accrut, sa présence était agréable à Madame Champion, ses visites devinrent plus longues et plus rapprochées. L'hiver était venu, et avec l'hiver, les tristes et monotones soirées. Madame Champion dit à Julie que M. Diderot n'était pas riche, que peut-être il n'avait pas de feu dans sa chambre, et qu'il serait bien de l'inviter à venir leur tenir compagnie, si cela ne le dérangeait pas dans ses travaux et ses habitudes. Mademoiselle Julie, n'ayant pas trouvé d'objection sérieuse contre ce charitable projet, Madame Champion fit des ouvertures dans ce sens à M. Denis, et il fut convenu qu'il viendrait tous les soirs chez elle prendre une tasse de café après son dîner. Une douce intimité s'établit dès lors. Le dimanche, il y déjeunait et restait à dîner. Faut-il égrener les 1000 grains du chapelet des amoureux? C'est l'histoire banale de tous les amours purs. Denis arrivait chaque soir vers 7 heures et prenait son fauteuil au coin du feu à côté de celui de Julie, occupée à coudre ou à broder. Madame Champion, pour qui l'activité était un besoin, allait et venait tout en causant ou en écoutant la lecture. Denis était au courant de toutes les nouvelles qui circulaient sur la cour, les grandes dames, les seigneurs, les filles de théâtre, les pièces nouvelles, les personnages en renom et les bons contes qui couraient sous le manteau. Personne ne savait lire mieux que lui, en donner un tour piquant et original à la moindre chose. Julie se surprenait à l'écouter avec ravissement, quand Denis mettait la conversation sur le chapitre de la philosophie. Là, il se trouvait dans son élément, et il fallait l'entendre s'en donner à cœur joie. Julie se laissait gagner à son enthousiasme, sur lequel Madame Champion jetait parfois quelques gouttes d'eau froide, quand il arrivait à monsieur le futur abbé d'écorner un dogme ou un miracle dans ses improvisations. « Mon cher monsieur Diderot, disait-elle, vous serez un bon prédicateur, mais il faut prendre garde de prêcher contre vos saints. » S'il arrivait à Madame Champion de passer dans une chambre voisine, ils étaient tout étonnés, quand elle rentrait, de s'éloigner instinctivement l'un de l'autre et de reprendre un autre sujet de conversation, bien qu'ils n'eussent jamais dit un mot qu'une mère ne pût entendre. Pudeur mystérieuse de l'amour, qui peut expliquer votre essence? Une autre fois, Julie se mettait au clavecin. L'amour et la musique, c'était plus qu'il n'en fallait pour les jeter en extase. L'heure habituelle où l'on se séparait passait souvent inaperçue, et Madame Champion s'assoupissait dans son fauteuil. Denis et Julie se regardaient alors sans mot dire. Si on les eût laissés seuls, à peine s'ils se seraient parlé. Il faut passer sous silence ces épisodes d'un long poème, fleur délicate qu'un souffle, même poétique, flétrie et décolore. Comment dire, par quelles ingénieuses ressources, Julie savait faire accepter 1000 friandises à Denis. C'était du vin chaud et des rôtis au beurre, des fruits qu'on voulait lui faire goûter. On prolongeait le souper pour que Denis les trouvât à table en arrivant, et bon gré mal gré, il fallait qu'il en prît sa part. Si le souper était fini, Mademoiselle Julie avait à 10 heures des accès de faim subits, et la bonne Madame Champion, qui réchauffait un serpent devant son feu, apportait une tranche de viande froide et une bouteille entamée. Chacun s'arrangeait pour manger sur ses genoux, et il n'en fallait pas davantage pour tout mettre en bonne humeur. Le dimanche, si le temps était beau, on allait se promener après la messe. Madame Champion marchait avec l'hôtesse de la maison, et Diderot suivait à distance, donnant le bras à Julie. Ils avaient toujours des confidences à se faire ou 1000 choses à se dire, et au bout du compte, ils se disaient toujours la même chanson. Ce qui devait infailliblement arriver, arriva. Un dimanche qu'il pleuvait et qu'on était resté au logis, Madame Champion avait prononcé une phrase qui, semblable à l'épée de Damoclès, venait de temps à autre jeter un voile sombre sur le bonheur des amoureux. Cette phrase était invariablement celle-ci. « Entrerez-vous bientôt au séminaire de Saint-Nicolas, monsieur Diderot ?»« Hélas, oui, madame, » répondait l'hypocrite, et les choses reprenaient leur train qui durait depuis fort longtemps. Cependant, ce dimanche-là, Denis eut comme le pressentiment que sa réponse habituelle produirait un effet médiocre, et il s'imagina de dire « Oui, madame, la semaine prochaine ». Pressé de questions, il échafauda mensonge sur mensonge, mit en jeu son père qui devait être en route, son excellente mère qu'il exhortait à persévérer dans sa résolution, le supérieur du couvent avec lequel il avait encore causé la veille. Il ne s'était pas senti le courage d'annoncer cette nouvelle avant d'avoir une solution définitive. Il fit tant et si bien que Madame Champion exprima son regret de le voir partir si tôt. Elle s'était habituée à lui comme s'il était de la famille. Enfin, elle espérait que l'événement serait retardé au moins de quelques semaines, résultat auquel Denis promit de travailler de tout son pouvoir. Sur cette promesse, Madame Champion s'empressa de courir à la cuisine où le rôti réclamait tous ses soins. Dès qu'elle eut disparu, Julie se leva, et saisissant la main de Denis par un geste spontané, elle lui jeta un de ces clairs regards qui sont toute une révélation. Denis se précipita à ses pieds. « Julie, je vous aime, » dit-il d'une voix sourde et vibrante, « et pour vous obtenir, je me sens capable d'être un héros ou un criminel. Que dites-vous, Denis ? Au nom du ciel, relevez-vous, je vous en supplie, ma mère peut venir. Je vous dis la vérité, Julie. Le même sentiment pousse l'homme qui incendie une ville et celui qui se précipite dans les flammes pour la sauver. Je vous aime. Tout ce qui est sorti de ma bouche, depuis que je suis entré ici, n'est qu'un mensonge sans fin, excepté ce serment. Et si vous ne voulez pas m'aimer, je me tue. » Il y a bien des amoureux qui déclament des phrases pareilles sans être de bons comédiens. Il y en a même qui les pensent au moment où ils les disent. Mais il y en a un bien petit nombre qui vont jusqu'au bout. Mademoiselle Julie savait depuis longtemps que M. Denis mentait à sa mère. Mais Denis parlait en homme résolu à mourir, sachant sans doute au fond que les choses n'iraient pas à cette fâcheuse extrémité. « Denis, » répondit Julie, partagée par la crainte d'un tel malheur et le bonheur de se voir tant aimé, « je vous jure que je vous aime de toute ma force et que rien au monde ne peut me faire renoncer à vous. » Denis se releva, les bras ouverts. Julie hésita. Elle tremblait comme une colombe surprise par un aigle. Jamais elle n'avait envisagé, même par la pensée, une situation aussi dramatique. Mais Denis avait parlé de crime. Il avait parlé de mourir. Ses bras l'appelaient. Elle s'y jeta frémissante en murmurant d'une voix éteinte. « Ne me quittez pas. Je vous aime. C'est moi qui mourrai. » « Pauvre Julie, vous étiez sincère. » De pareilles situations se dénouent toutes seules, et la réaction s'opère d'elle-même. Certain d'être aimé, Denis sentit se calmer subitement les bouillonnements de son cerveau. Julie, le cœur plus agité par la violence de ses sentiments contenus, se sentait défaillir. Cependant, ils avaient eu le temps de reprendre leurs esprits quand Madame Champion reparut. « Le mal est réparé, » dit-elle. « Le gigot en sera quitte pour un coup de feu, mais je suis arrivé à temps. » Cinq minutes plus tard, tout brûlait. Hélas, il en est ainsi dans la vie. Le drame coudoie la comédie, la passion se heurte à la réalité. Malgré tout l'empire sur eux-mêmes qu'ils avaient acquis par un long exercice de dissimulation, Denis et Julie ne purent s'empêcher de se trahir. Leur silence inaccoutumé, une sorte de gêne et d'embarras, tout conspirait contre eux. Ils étaient familiers, ils voulurent paraître gais. La figure de Madame Champion exprima la surprise, mais elle voulut bien mettre cela sur le compte du séminaire de Saint-Nicolas. Quand Denis se fut retiré un peu plus tôt qu'à l'ordinaire, Julie mit froidement sa mère au courant de la vérité en lui demandant pardon de leur double mensonge. Madame Champion considéra quelques instants sa fille et reconnut que le mal était irréparable. « Julie, » dit-elle, « vous avez eu tort de manquer de confiance en moi. Cependant, je vous pardonne. Je parlerai à M. Denis, et s'il vous aime, comme vous le dites, je ne m'opposerai pas à votre mariage avec lui. » En ceci, Madame Champion agissait comme une mère sage et pleine de prudence. Elle connaissait assez sa fille pour ne pas craindre une faute. Mais elle savait aussi qu'elle n'aurait pas une minute de bonheur sans Denis et qu'il faudrait en arriver à un mariage. Elle avait bien essayé de faire entendre à Julie qu'elle ne pouvait être la femme d'un écervelé, dont tout le mérite consistait dans une belle langue dorée avec laquelle lui avait renversé la cervelle, mais elle-même adorait Denis et tous ses défauts, et Julie avait déclaré nettement qu'elle obéirait à la volonté de sa mère, mais qu'elle ne renoncerait jamais à lui.